Skyrock Classics. Nigga dead. I slapped my girl, she called the feds. I did that time and spent that bread. I'm headed home, I'm almost there. I'm on my way, headed up the stairs. To my surprise, a nigga replacing me. I had to take him to that ghetto university. All the lights, cop lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights. All of the lights, all of the lights. Drug life, thug life, rock life, every night. C'est Skyrock Classics avec les originaux de Skyrock. Oh, je me présente, Molotov. Undercover, le micro chauffe. Appelle-moi Mr. Over. Moi j'innove, depuis Radio Nova. Sur un son qui groove, qui va à Zeta Touva. Pourquoi tu l'ouvres? Quoi, qu'est-ce que tu me prouves? Ta carrière je crève, comme un Aguanikov. Vas-y tu me couvres, braquage sur un convo. Mon flow dans ta cove, j'attends que ça les achève. Le son t'achève, danse comme mon cheval. Ici pas de philosophe, ça rêve à trop de œuvres. Vas-y j'ouvre, ça rêve t'es pas l'ouvre. Bouge la tête des ouvres, les bourgeois deviennent ouvres. J'ai vite de bouffe, ça vient de les sous-bois. Pas de son pour les deux bois, j'parle pas la langue de bois. C'est Rouskov, c'est Négalo Tamba. Il est trop bof, moi Hamdoullah Sava. C'est funky. Hey. Safe n'est pas funky. Hey. La merde dans ton paquet. Hey. L'horreur, moi c'est Chucky. Hey. Flow trop paraqué. Hey. J'mange tôt comme les hackés. Hey. J'glisse comme Mosquée. Hey. Au top comme Cherokee. Hey. Lève tôt comme les frosties. Hey. L'aile, mange pas de GS. Hey. Toujours le fil au fish. Hey. Au McDo, bitches. Hey. J'contrôle mon BS. Hey. Même en période de crise. Hey. La lame, j'ai KS. Hey. Le terre-terre, j'maîtrise. Hey. Moi j'fais pas la BS. Hey. Je pèse le champ BS. Hey. J'te le dis en tout franchise. Hey. Ton flow, il pue la PS. J't'effonce comme une paire KS. T'es keuf dans ta DS. T'as trouvé ton robe. Faut que je te dise que t'es mon fils. Je me tape jamais la fiche. Ma tête est mise à prier. Je m'en fiche. Le rap français sur moi a mis une fiche. Vas-y créer Molotov 4. G8, c'est le Zin. Travaille à Pékin. Arrache comme le charras, j'm'en prends la race. Quand j'kick, tu naas. C'est pas, c'est comme aas. La classe qui te casse. Ma voix t'es raas. Grouille, ça tracasse. Tu laas, des aas. Putain, t'es naas, traas. J'rêve d'avoir la as. Au bas à ma as. Pour l'instant, j'ramasse. Des billets, j'en de la casse. Tu connais mon plan as. Pas la baas. J'sais pas pourquoi tu casse. Chut, on te casse. T'as peur de me faire pas. Comme une liasse. J'suis solidaire. Mais mon chien, on galère de whisky. Et la as, je veux pas ta bouche pour sucer ma glace. Ta as, vas-y fais, sois un beat qui t'écrase. J'te déclasse, c'est ma deuxième classe. J'désosse ton flow, aïe t'es bon pour la casse. Skyrock, la première radio urbaine mondiale avec Pony, le son de Gene Wine à l'instant sur Skyrock et du très très lourd. Et vos messages, ils font très très plaisir ce soir. Il y a Nessie Medley qui nous dit merci pour ses sons, c'était super. Il y a Joe Vivan aussi sur Twitter, une tuerie les sons pour Skyrock Classique ce soir, le kiff tous les dimanches. Et la Procrastineuse Pro qui a encore 1h15 de trajet avec Skyrock Classique, ça passe encore mieux, ça passe crème. Et attention, la rentrée qui passe crème, c'est avec D-Fool tous les matins, 6h-9h, il sera de retour en direct mercredi entre 6 et 9. Et attention, les chèques de 1500 euros seront eux aussi de retour et les inscriptions sont ouvertes, ça c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant avec les chiffres 1500-1500 par SMS au 72020, 1500 au 72020, et dès qu'on appelle chez vous, pour vous demander quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock. La bonne réponse c'est Skyrock bien sûr, ça rapporte un chèque de 1500 euros cash. Bonne chance, 1500 au 72020. Les 50 Cent à écouter maintenant. 50 Cent 21 Question avec Nate Dogg, ainsi que les Fugees, la belle voix de Lauryn Hill sur le son, Ready or Not. Vous écoutez Skyrock, on est premier sur le rap et premier sur les classiques tous les dimanches entre 18h et 20h. L'émission c'est Skyrock Classics. Écoute Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Mysterio DJ Abdel, Funk You 2. Funk You 1, putain. Bien ou quoi, Mystery, comment tu vas à la femme? J'ai un petit service à te demander. Alors tu vois, il y a une petite meuf dans le 19, je lui ai laissé les clés d'une tournoi. Mais je sais pas, je lui fais plus confiance, te plaît, récupère-les pour moi. Dès que tu les as direct sortis, tu les passes à Abdel. Pour lui, les passes à souris, car lui seul sait où se trouve l'hôtel. Où est planqué la secret, ensuite tu me le passes au thème. Lui me dira si c'est ok, si tu donnes tous les portails. Puis appelle Nabil et récupère mon disque dur. Ensuite, passe à Belleville, demande le numéro de que tu appelle-le, il comprendra. Dis-lui que moi j'ai des courbatures, mais que le colis a été livré, que là c'est cool, il qu'à la voiture. Eh, c'est bon, t'as tout capté, hein. Ok, ok, je t'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ruka ta ga. Je me réveille, c'est pas le frère. Renona dans les yeux, je m'étire et je roule en sphère. Je suis dans le coltard, t'as ouais, je plane dans les airs. Comme d'hab, y'a rien à faire, la misère, la galère. Vu que j'ai mal aux dents, je me les brosse et me fais un bon douche. Hachette, je fais yesh et je tape une bonne touche. J'avoue la liberté, ah touche. Y'a que l'entraîneur qui a le droit d'être fier d'être sur le banc de touche. Les minuit pile, il va falloir quitter la ville. La volonté, champagne et sky. Soir, son vomi de la ville, j'ai leur la mine, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Quand je vais en Afrique avec du fric, je pourrais claquer, je sais pas combien, je veux voir toutes les mains en l'air. Soir, ce c'est la guerre, le fils, la pute molaire, l'infection, les pulmonaires, car je fume trop dealer à peine. Direction Marrakech, les frères qui m'aiment, monsieur, ceux qui m'aiment pas garder la pêche. Sauve-toi. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Démarrer sur Skyrock, Skyrock Classics. New York City. You are now rapping with 50 Cent. You gotta love it. I just wanna chill and twist a lot. Catch stunts in my 745. You drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. I provide everything you need and I like your smile, I don't wanna see you cry. Got some questions that I gotta ask and I hope you can come up with the answers, baby. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down?

Maxime. Convict music. Guess who's back? Guess who's back? Still here, haters. Akon and Obi. Trice. Yeah. What you gonna do with it, eh? What you gonna do? Take them on back to the street. I keep the 40 cal on my side. Stepping with the mindset of a mobster. You see a nigga pass by. Tuck your chain in, cause he might rob ya. Got clocks for sale, red tops for sale. Anything that you need, believe me, I'm gon' lace you. Just do whatever you do, snitch, cause you will get hit. Pray I don't face you. Yeah. It's risky, the bitch tend to rise out of nigga. It's history, snitch, who decided he's a member? Once he got pinched, coincided with law. Same homie say he lay it down for the ball. Brought gang squad around ours. How could it be? Been homie since Superman draws. Only phoniness never came to par. He had us, a true neighborhood actor. Had his back with K's. Now we see through him like x-rays. Cuffed in that Adam car. No matter his loss, we at him, it's war. Knowing not to cross those reservoir dogs. You help plant seeds just to be a vegetable? When we invest in team, it's to the death for show. No X and O's, text calicos. Aimed at your chest, nigga. I keep the 40 cal on my side. Stepping with the mindset of a mobster. You see a nigga pass by. Tuck your chain in, cause he might rob ya. Got clocks for sale, red tops for sale. Anything that you need, believe me, I'm gon' lace you. Just do whatever you do, snitch, cause you will get hit. Pray I don't face you. We started out as a crew, when one speak, it's all honest. Private conferences when we eat. Benihanas, popos, cowards. It's no you, it's ours. We vowed this, mixing yayo with soda powder. Who would've known he would fold and cower? Once the captain showed, he sold old McDonald's. So it's no X and O's, text calicos. Aimed at your chest, nigga. I keep the 40 cal on my side. Stepping with the mindset of a mobster. You see a nigga pass by. Tuck your chain in, cause he might rob ya. Got clocks for sale, red tops for sale. Anything that you need, believe me, I'm gon' lace you. Just do whatever you do, snitch, cause you will get hit. Pray I don't face you. Nowadays, Sammy the Bulls got the game full, so he moved to a rural area to keep cool. They snitching on a snitch now, it's nothing to tell. Nowadays, your circle should be small as hell. Ain't stop snitching, you ask for the life you're living. This act is not permitted nowhere on the map. It is forbidden to send a nigga to prison if you've been in it along with him. And then snitching become hidden, so it's no X and O's. Text calicos, aimed at your chest, nigga. I keep the 40 cal on my side. Stepping with the mindset of a mobster. You see a nigga pass by. Tuck your chain in, cause he might rob ya. Got clocks for sale, red tops for sale. Anything that you need, believe me, I'm gon' lace you. Just do whatever you do, snitch, cause you will get hit. Pray I don't face 40 cal on my side. Stepping with the mindset of a mobster. You see a nigga pass by. Tuck your chain in, cause he might rob ya. Got clocks for sale, red tops for sale. Anything that you need, believe me, I'm gon' lace you. Just do whatever you do, snitch, cause you will get hit. Pray I don't face you, yeah. Skyrock premier sur le rap avec Obi Trice et Akon sur le même titre, c'était Snitch à l'instant dans Skyrock Classics. 18h-20h chaque dimanche, on se met les meilleurs sons, les sons les plus classiques, les plus puissants de Skyrock, de son histoire, avec People Everyday qui arrive tout de suite, Arrested Development. Et juste après, on file à Marseille avec l'école du micro d'argent, Ayam. Là on est quand même sur du très haut niveau, hein, au niveau des trucs légendaires. Arrested Development, I Am, Pras Mitchell avec ODB, Ghetto Superstar, c'est ce qu'on écoute tout de suite dans Skyrock Classics. Tous les dimanches, 18h-20h, et attention, tout au long de la semaine, il y a ça à gagner, écoutez. Skyrock Classics, Classics. Every day people

La jolie voix de Laurie Neal sur le son de Pale & Live, c'était All My Time sur Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches, on se fait les meilleurs sons de Skyrock. Et à partir de 20h, dans même pas 10 minutes, c'est le Hit US qui va démarrer. On va découvrir si Bruno Mars garde la place de son le plus vendu cette semaine aux États-Unis. Juste avant, deux sons à écouter, Gangstar, Full Clip. Et juste après, une version Skyrock. C'est B.O.B. avec Bruno Mars, Nothing On You. Skyrock, c'est la famille. Skyrock, c'est la famille. Et ouais, il l'avait dit en plus. On se met bien dimanche soir. On profite des vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. On se détend avant une nouvelle semaine de taf pour d'autres. Tout va bien. Skyrock Classics, on finit l'émission et le UTS arrive juste après, bougez pas. T'écoutes Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. La fouine, Jimmy Sissoko, unité sur Skyrock Classics. Yeah. Cause we don't need more Jimmy revolution. Yeah, la fouine. Jimmy Sissoko and la fouine in a like peace bomb. Yeah, c'est ça. To all the ghetto you. Yeah, le message c'est parce que dans nos mains ils ont placé des guns. Parce que dans des tours sont entassés nos rums. Parce que trop de nos frères purgent des longues peines. Parce que dans la mer toujours les mêmes qui traînent. Parce que l'on est rien si l'on ne s'unit pas. Car rien n'a trop qui souffre dans l'anonymat. Unité, unité. Car rien n'a trop qui se cache pour sniffer. Pour enfin se rapprocher les uns des autres. Et qu'on arrête enfin de se rejeter la faute. Unité, unité. Écoutez, c'est juste une idée. Unité. Je réclame unité parce qu'ils nous ont divisé pour mieux régner. Je réclame l'unité. Depuis ouais. Toujours le même mot d'ordre. Divisé pour mieux régner. C'est ça. L'unité. Divisé pour mieux régner. Parce qu'ils nous ont divisés, oubliés, séparés aux quatre coins du monde entier. Ouais. Yeah. J'ai vu cette terre se changer en continent, se changer en pays, se changer en ville gentiment. Et puis ces barreaux qui ont fait de nous des détenus, ces chaînes qui ont fait de nous des esclaves au regard toujours ému. J'ai vu ma ville se changer en quartier divisé, les petits blindés d'argent dotés d'une grande rivalité. Les traditions cassent les couples d'horizons différentes, personne s'y fait, on continue à jouer même après le coup de sifflet. C'est unité, unité. Chez moi les étrangers sont reçus avec un sourire, un verre de thé. Malheureusement divisé, divisé. Toujours les mêmes images que l'on nous donne dans leur journal télévisé. Parfois les murs remplacent les frontières entre deux pays. Parfois les uniformes de flics se changent en tris. C'est unité, unité. Sachez que contre la mort, personne n'a l'immunité. Unité. Réclame unité parce qu'ils nous ont divisé pour mieux régner. Je réclame l'unité. Depuis ouais. Toujours le même mot d'ordre. Divisé pour mieux régner. C'est ça. L'unité. L'unité. Divisé pour mieux régner. Divisé parce qu'ils nous ont divisé, oubliés, séparés aux quatre coins du monde entier. Parce qu'ils nous ont divisé pour mieux régner. Je réclame l'unité, ouais. L'unité parce qu'ils nous divisé ont divisé pour mieux régner. L'unité, yeah. Divisé pour mieux régner. Divisé parce qu'ils nous ont divisé, oubliés, séparés aux quatre coins du monde entier. C'est ça Skyrock Classics. Classics K-L-A-2-S-I-K-S. Big L, rest in peace. Rest in peace. If you wanna mess with this, one of the best yet. We've got it. You can feel the realness in this business of rap. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took the shit too far, son. So that's all for you, I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell. The more lies you sound, now by surprise you fell into my death trap, right into my clutches. Stupid, you know the guard must bless every single mic he touches. I've suffered just so I could return harder. Wanna be the shit starter, fuck around, make you a martyr. I make you famous, turn around and make you nameless. Cause you never understood how vital to me this rap game is. Save it and hold that, you catch a hot one. Rhymes to chase a fake nigga down soon as I spot one. Clip,

where I'm at, girl, you make me wanna sing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls, yeah, all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. Wow. They got nothing on you, la version unique de vos sons préférés sur la première radio urbaine mondiale. B.O.B. et Bruno Mars sur le refrain de ce son Skyrock version en plus. C'était Nothing on You, Skyrock classique fini pour aujourd'hui. 18h-20h tous les dimanches, on se met les sons qui ont fait l'histoire et le succès de Skyrock. D'autres sons légendaires à retrouver, ce sera dimanche prochain à partir de 18h. Et là on file aux États-Unis pour le classement des meilleures ventes. Allez, on y va. 14h à New York, 11h à Los Angeles.